solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. L'Arcidéo qui informe ses abonnés de la commune de Saint-Joseph que suite à des travaux de raccordement aujourd'hui, la distribution en eau sera perturbée, voire interrompue. C'est à partir de 13h, dans une heure à peu près, de 13h à 16h sur les secteurs suivants. La rue Aimé Turpin, la rue Léon Liex, la rue Amiral Courbet, la rue François Mauriac, la rue des Jacques, la rue Henri Mussard, le chemin des Moineaux, le chemin des Martins, l'impasse des Rononcules et puis toutes les voies adjacentes. Et puis Veolia qui informe aussi donc ses clients de la commune de Saint-Denis que l'eau du robinet peut à nouveau être consommée sans restriction d'usage sur les secteurs alimentés par le réservoir du Buteur. Kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way. Everybody said to do each and every. To love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. Joli son des Bee Gees sur Réunion Première. Bon appétit à tous, il est midi. Le journal Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Le mouvement de la CGPER se poursuit malgré les négociations qui ont eu lieu hier. Troisième jour de blocage dans les deux usines sucrières de Lille, au Gol et à Bois-Rouge. Et ça n'est pas du goût de tous les agriculteurs. Ce matin, ceux de la FDSEA et des jeunes agriculteurs ont condamné les actions de blocage. Nous serons en direct de Saint-Benoît avec Jean-Paul Mellat dans un instant. C'est aujourd'hui la journée mondiale Alzheimer, l'occasion de faire un focus sur les besoins des associations qui viennent en aide aux personnes malades. Elles seraient 10 000 à La Réunion pour les diagnostiquer. La maladie d'Alzheimer, on en parle dans ce journal. Et juste après l'émission, C'est dans l'actu, sera consacré aux problèmes rencontrés par ceux qui assistent un parent malade. C'est dans l'actu à 12h15 sur Réunion Première. Dans cette édition également, nous parlerons des élections à la tête de la Ligue réunionnaise de football. Elles auront lieu le 18 décembre prochain. Déjà deux candidats sont déclarés, Yves Dupuis et le sortant Noël Vidotte. Mais les doutes sur une troisième candidature, celle d'Yves Etève, se lèvent petit à petit. Celui qui a régné sur le foot local pendant 30 ans était l'invité du journal de Florent Marot ce matin et il a fait un pas de plus vers une candidature. Nous l'entendrons. Bienvenue sur Réunion Première. La Confédération Générale des Planteurs et Éleveurs de la Réunion, la CGPER, bloque toujours l'entrée des usines de Bois-Rouge et du Gol ce mercredi. L'organisation réclame le versement immédiat de différentes aides qui sont dues aux agriculteurs. Hier, des négociations avec la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ont permis quelques avancées, mais pas suffisamment pour qu'une issue soit trouvée à ce mouvement. Voilà donc trois jours que la campagne sucrière est mise entre parenthèses et ça n'est pas du goût de tous les exploitants. Ce matin, ceux de la FDSEA et des jeunes agriculteurs montent au créneau et condamnent l'action de la CGPER. Jean-Paul Mellat est en ligne avec nous. Jean-Paul, vous êtes sur le site de Beaufont à Saint-Benoît. C'est sur cette plateforme de réception de Cannes qui est aussi bloquée par les manifestants que vous avez rencontré ce matin les représentants de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Ils ne sont pas du tout d'accord avec la CGPER. À l'instar de Bois Rouge, la plateforme de livraison du CAN de Beaufort est à l'arrêt depuis 2 jours à Saint-Benoît. La situation agace les syndicats des jeunes agriculteurs et de la FDSEA. Ils dénoncent la politique de blocage de la CGPER de Jean-Yves Benacci, car ce problème ne concerne pas uniquement les planteurs, mais tous les agriculteurs, disent-ils. Question. Pourquoi la convention de 2015, considérée comme bonne, à peine signée, les planteurs se retrouvent en difficulté financière? Parce qu'à l'époque, nous dit Bruno Robert, des jeunes agriculteurs, Jean-Yves Benacci leur avait assuré que c'était une bonne convention. Les planteurs au nombre de 3500 veulent vivre convenablement de leur exploitation et considèrent que les aides sont un complément de revenus et que le prix de la canne reste le combat essentiel. Bloqué alors qu'on sait que le retard de paiement du solde des aides de la politique commune est dû à un problème de logiciel non résolu par le service informatique du ministère de l'Agriculture est une horreur. Est une erreur, ajoute-t-il. La vingtaine de planteurs présents à Beaufort espèrent reprendre le travail demain car attendre leur fait perdre de l'argent. Nous utiliserons la solution forte si nécessaire pour pouvoir travailler, ajoute le secrétaire général de la FDSEA. Jean-Paul Mélade, je rappelle que vous êtes en direct de Beaufort à Saint-Benoît et ce matin sur notre antenne, Jean-Bernard Gontier, le président de la Chambre d'agriculture, a soutenu une nouvelle fois l'action de la CGPER et précisé que les négociations en cours ne concernaient pas seulement les planteurs de canne mais bien tous les agriculteurs de l'île. Retour maintenant sur cette importante saisie réalisée ce week-end par les douaniers de l'aéroport Roland-Garros. Ils ont interpellé une réunionnaise d'une soixantaine d'années qui arrivait de Madagascar avec quelques 4000 cachets de Rivotril scotchés sous son pantalon. Ce médicament destiné à soigner l'épilepsie fait l'objet d'un trafic car il est souvent détourné de son usage, tout comme l'artane, pour l'effet qu'il produit mélangé à l'alcool et ou aux amales. On estime qu'à La Réunion, 400 consommateurs prennent du Rivotril de manière très régulière, des toxicomanes qui se retrouvent souvent impliqués dans des affaires judiciaires. Pour limiter l'accès à ce médicament, la législation française a évolué il y a 4 ans afin de renforcer le contrôle des prescriptions du Rivotril. Explication avec Delphine Poudroux. Depuis 2012, seuls les pédiatres et les neurologues sont autorisés à prescrire le Rivotril. Le renouvellement de la prescription de ce médicament peut se faire par le médecin traitant, mais uniquement via une ordonnance dite sécurisée. Ce type d'ordonnance comprend entre autres un numéro d'identification et plusieurs renseignements sur le prescripteur et le patient. Chez le pharmacien, cette ordonnance doit nécessairement être accompagnée de la prescription initiale datant de moins d'1 an. Avec la mise en place de ces restrictions, la circulation de ce médicament est aujourd'hui mieux maîtrisée. Mais le vide a incité l'importation illégale de ces produits via des pays étrangers. Aujourd'hui, au vu des risques sanitaires et sociaux créés par les effets secondaires désinhibants de ce médicament, la solution pourrait être la suppression du Rivotril du marché. Mais pour l'heure, cette suppression est difficilement envisageable, car d'après les médecins, ce médicament est devenu indispensable pour traiter les épilepsies les plus complexes. Delphine Poudroux, je vous le disais en titre, nous sommes le 21 septembre, journée mondiale Alzheimer. Cette maladie évolutive touche environ 10 000 réunionnaises et réunionnais, et il ne s'agit que des cas diagnostiqués. La recherche avance, mais il n'existe toujours pas de traitement permettant de guérir la maladie. Cette semaine, l'association France Alzheimer Réunion organise diverses manifestations dans l'île pour sensibiliser la population. Afin de mener à bien son programme, l'association a besoin de bénévoles. Gabrielle Fontaine est la présidente de France Alzheimer Réunion. Elle répond à Carl Sivat. Il nous faut aussi des bénévoles parce que c'est très important. Parce que c'est vrai qu'on fait appel à la générosité, mais une manière de donner aussi, c'est donner son temps. Être bénévole dans une association comme celle-là, c'est apporter son soutien aux aidants, venir faire un peu de aider, par exemple, pour préparer le matériel pour la quête, aider pour la journée mondiale. Et puis nous faisons une formation, il y a une psychologue qui fait justement la formation des bénévoles pour qu'il puisse y avoir des visites à domicile quelquefois. Et c'est important aussi. Oui. Mais pour cela, il faut être, je dirais, pas formé. Parce que quand on vient et qu'on est bénévole, on a tout son cœur et on est... Mais il faut on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment chez les gens. Le rôle de l'écoutant prend toute sa dimension. Des propos recueillis par Carl Sivat et on reviendra sur la maladie d'Alzheimer juste après ce journal à 12h15. C'est dans l'actu, s'intéressera justement aux problèmes rencontrés par les aidants, ces personnes qui assistent à un parent malade. Midi 7 sur Réunion Première, la suite du journal, Antoine Garnier. Dans l'île, 60% des jeunes de moins de 25 ans sont sans emploi, en cause la mauvaise santé du marché du travail, mais aussi l'absence de formation ou de qualification. Pour aider ces jeunes sans diplôme à s'insérer dans la vie active, Edith Cresson avait imaginé il y a 20 ans l'école de la seconde chance. Le dispositif existe à La Réunion depuis 2010 et chaque année il accueille en moyenne 700 jeunes. Étape obligée pour les stagiaires, l'entreprise, elles sont plus de 2000 2600 à participer au dispositif dans l'île. Hier, dans les salons de la préfecture, stagiaires et entreprises se sont retrouvés pour échanger et formaliser les partenariats. Reportage Daniel D'Ambreville. C'est un fait, l'école de la deuxième chance ne peut exister et réussir sans l'implication des entreprises locales. L'objectif du dispositif est d'aider les jeunes éloignés de l'emploi à trouver un boulot ou une formation. Depuis 6 ans, 2690 entreprises ont ouvert leurs portes. Parmi les partenaires de longue date, Total Réunion, Laetitia Presse, sa présidente. En fait, on est partenaire de l'école de la deuxième chance, sans le savoir depuis très longtemps. Au travers des stations-service et de la spécificité réunionnaise d'avoir des pompistes, on a déjà cette tradition d'emploi nécessitant assez peu de qualifications, mais beaucoup de motivation, d'empathie, d'accueil. On a décidé d'utiliser ces bonnes pratiques pour en faire un vrai partenariat. Ces jeunes sont actuellement en stage dans les stations-service du groupe. Aurélien Carpagnin, lui, a décroché un contrat de professionnalisation comme pompiste, un contrat qui s'offre à lui comme une seconde chance. J'ai arrêté l'école en troisième, je suis parti en contrat d'apprentissage. Un mois avant, je passe mon CAP, j'ai fait un accident de la route. Le jeune homme tente alors sa chance auprès de l'école de la seconde chance qui vient d'ouvrir à Saint-André. C'est des stages de 1 à 2 semaines. On nous a appris de faire une motivation de A à Z. Sans cette école, vous auriez eu cette deuxième chance? Non. Vous êtes sûr? Sûr. Dans le moment de la rue, comme ça, là, ben, c'est Dieu de trouver un patron comme ça parce qu'il dit comme ça. Ben, regarde, il n'a pas parti l'école, donc il n'est pas sérieux. En 6 ans, sur 2444 jeunes accueillis, 435 ont été embauchés. Daniel D'Ambreville, le salon Topresa bat son plein depuis le début de la semaine, porte de Versailles à Paris. C'est le rendez-vous le plus important de l'année pour les professionnels du tourisme. Alors évidemment, la Réunion tente d'en profiter pour faire remonter les chiffres de fréquentation touristique dans l'île. Ce matin, la présidente du club du tourisme était l'invitée de Philippe Dornier sur Réunion Première. Il lui a demandé si le parc national, qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, était un frein pour la Réunion. On écoute la réponse de Sophie Durville. Pour nous, au club, et pour moi personnellement, c'est un atout, ce parc national, comme la réserve naturelle marine de La Réunion. La problématique, c'est d'arriver à concilier, je suis optimiste, je pense qu'on va y arriver, de concilier le développement économique à la nécessité de préservation de notre milieu naturel réunionnais, sur lequel le tourisme repose. Donc il faut le protéger, bien évidemment. Pas faire n'importe quoi, mais pas non plus mettre tout sous cloche. Il faut pouvoir arriver à développer un certain nombre d'activités en respectant les milieux naturels, mais en ouvrant certains sites aux touristes. Beaucoup de destinations le font et on peut tout à fait y arriver à La Réunion. La présidente du club du tourisme, Sophie Durville, était au micro de Philippe Dornier. Un entretien à retrouver dans son intégralité à 13h30 sur Réunion Première Radio. La future loi sur l'égalité réelle outre-mer en discussion hier à l'Assemblée nationale. Il ne s'agissait pas encore du vote du texte, mais de l'audition par les députés de la ministre des Outre-mer et du rapporteur de la loi Victorin Lurel. Les députés se sont montrés plutôt critiques. Le texte n'est pas assez complet, selon eux. Un reproche entendu par Erika Barèche, mais la ministre des Outre-mer, qui était encore récemment secrétaire d'État en charge de l'égalité réelle, met en garde contre un texte fourre-tout. Écoutons Erika Barèche, elle est au micro de Célia Cléry. Les députés ont l'ambition d'aller plus loin et sur certains points, ils ont raison. Mais il faut qu'on garde le sens des choses. Il ne faut vraiment pas que ce texte soit... c'est le dernier texte, mettons tout ce qu'on peut mettre dedans. Ce serait perdre du sens et du contenu à l'égalité réelle. Or, il me semble, moi, que c'est un moment historique. Parce que nous ne sommes plus dans une relation exclusive, hexagonale, territoire. On change de point de vue et on change de relation entre l'État et les collectivités. On va contractualiser quelque chose, on va se mettre d'accord sur le projet de chaque territoire pris comme une singularité et une spécificité. On passe au sport. Noël Vidotte et Yves Dupuis sont aujourd'hui les deux candidats déclarés pour briguer la présidence de la Ligue réunionnaise de football lors des élections du comité directeur qui auront lieu le 18 décembre prochain. Mais les doutes sur une candidature d'Yves Dupuis se lèvent petit à petit. Celui qui a régné sur le football réunionnais pendant plus de 30 ans était l'invité du journal de Florent Marot ce matin et il a fait un pas de plus vers une candidature tout en jouant la montre. Il faut d'abord savoir où on en est exactement, toujours est-il, les dégâts sont considérables. Oui, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes candidat, officiellement, déclaré? Non, je ne peux pas dire que je sois officiellement déclaré, parce qu'il faut d'abord, encore une fois, deux conditions que je trouve, je finalise cette équipe, parce qu'il y a beaucoup de gens, donc il faut vraiment avoir une équipe sans pour autant mécontenter trop de temps, et deuxièmement, que la fédération donne des gages de bon déroulement de ses opérations électorales. Mais en tout cas, vous y travaillez. Tout à fait, oui. Et je donnerai ma réponse très très bientôt, disons les 2-3 octobre, plus tard. Il est midi 12 sur Réunion Première, l'heure de faire un tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale avec France Info. Le principal suspect des explosions à New York et dans le New Jersey était connu du FBI. On apprend que la police américaine avait enquêté sur ce jeune homme d'origine afghane. Elle avait été alertée par son père qui affirmait que son fils était un terroriste. C'était il y a 2 ans, l'enquête n'avait rien donné et le FBI est passé à côté de la radicalisation du jeune homme. Toujours aux États-Unis, des émeutes ont éclaté cette nuit à Charlotte, en Caroline du Nord. Des habitants violemment manifesté après la mort d'un homme noir abattu par la police. C'est à leurs yeux une nouvelle bavure. Les manifestants ont caillassé les policiers et saccagé plusieurs voitures. C'est une autre affaire de fausse alerte attentat. Un adolescent breton est mis en examen. Au début du mois, il avait appelé la police pour faire croire à un attentat dans un lycée de région parisienne. Son canular avait été pris très au sérieux. Ce lycéen risque 2 ans de prison. L'actualité, c'est aussi la politique. Fin du suspense à droite. On va connaître ce midi la liste officielle des candidats à la primaire. Hervé Mariton pourrait ne pas être qualifié à cause d'un parrainage non conforme. Et puis l'acteur et réalisateur américain Curtis Hanson est mort à l'âge de 71 ans. On lui doit notamment les films L.A. Confidential ou 8 Mile avec le rappeur Eminem. Le 12-13 continue sur Réunion Première avec C'est dans l'actu dans quelques instants. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Nous sommes le 21 septembre, journée mondiale Alzheimer. Et ce midi, C'est dans l'actu s'intéresse aux problèmes rencontrés par les aidants, les personnes qui accompagnent au quotidien un parent atteint par la maladie. Et le plus dur, Antoine, c'est quand ces personnes travaillent en plus de leur rôle d'aidant aux côtés d'un parent malade. Ces gens-là mènent en quelque sorte une double vie. Le risque, clairement, c'est le surmenage et la fatigue qui en découle. Témoignage dans 2 minutes, deux personnes qui vivent cette situation au quotidien. Et puis vous réagissez au 02 62 99 2000. Le soleil, lui, n'est pas surmené aujourd'hui, Ingrid. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et oui, cet après-midi, les cumulus qui se développent sur le relief laisseront passer par moments quelques petits rayons de soleil. Sur la côte sud, des débordements nuageux sont à craindre du côté de l'étang Salé, de Saint-Louis, encore de Saint-Pierre. Et puis les côtes est et nord-est restent ennuagées, tandis que les côtes sud et ouest profitent d'un ensoleillement plutôt généreux. Le vent d'est est modéré. Le long des côtes sud, les rafales atteignent 40 à 50 km/h. La mer est agitée avec une petite houle d'alizé qui déferle entre Saint-Joseph et Chamborne. Et puis on attend l'arrivée d'une petite houle de sud-sud-ouest au cours de la journée. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs, en direct du marché, avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère, très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place ? Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec L'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. Midi 17 sur Réunion Première, Alzheimer, la double vie des aidants. C'est dans l'actu ce midi avec Philippe Dornier et ses invités. Près de 8 aidants sur 10 rencontrent des difficultés pour concilier leur vie professionnelle et leur rôle auprès d'un proche. C'est un des principaux enseignements d'une enquête nationale, une étude réalisée auprès des familles touchées par la maladie d'Alzheimer. Continuer à travailler, c'est loin d'être évident, manque de concentration dans les tâches à accomplir, fatigue jusqu'à épuisement, la fatigue qui s'accumule, physique et psychologique, avec parfois, au final, la décision d'abandonner son emploi par choix ou par obligation quand l'employeur ne supporte plus les absences répétées. Des galères qui vont jusqu'à isoler les aidants car beaucoup n'osent pas en parler autour d'eux et du coup, ils manquent de soutien. Quelles sont leurs principales difficultés? À qui se confier en cas de besoin? Les aides proposées sont-elles efficaces? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Et vous pouvez nous appeler pour participer à cette émission, bien entendu, 02 62 99 2000, le 06 92 70 2000 si vous préférez la solution des textos, et puis via les réseaux sociaux, la page Facebook C'est dans l'actu et le hashtag C'est dès la première pour Twitter. Quatre invités avec nous ce midi, Sylvie Agnès, la vice-présidente de l'association France Alzheimer Réunion, bonjour. Bonjour Philippe. Nous avons la marraine de l'association avec nous également, Émilie Minacci, bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe. Chantal Taristas, qui est une aidante familiale. Bonjour. Bonjour. Et puis, en duplex de notre studio de Saint-Pierre, Daphné Schott, qui est neuropsychologue. Bonjour. Bonjour. Alors, la journée mondiale Alzheimer braque donc les projecteurs sur la situation des aidants qui poursuivent une activité professionnelle. Il y a environ 10 000 personnes atteintes par la maladie à La Réunion. Sans doute plus, hein, ce sont les statistiques officielles, mais on sait qu'il y en a sans doute beaucoup plus. Sylvie Agnès, ça représente combien d'aidants et combien qui travaillent ? Alors aujourd'hui, les statistiques être aidant proche en activité représentent à peu près 46% d'aidants encore en activité. Ah là, c'est un chiffre Réunion. Alors, par Réunion, c'est un chiffre qui représente à la fois la métropole et la Réunion. Les sondages, les statistiques ne sont pas tout à fait exact, mais malheureusement, beaucoup d'aidants qui sont encore en activité aujourd'hui sont obligés soit de réduire leur temps de travail, soit d'interrompre leur activité pour s'occuper de leur aidant. Presque 1 sur 2 qui est dans tout ce cas-là. Ces personnes, Daphné Schott, elles ont quel âge en moyenne ? Ben, en général, pour les enfants qui accompagnent leurs parents malades, on va dire entre 30 ans et 50, 60 ans, pour ceux qui travaillent en tout cas, pour ceux qui sont en activité. Ce sont plutôt des femmes que des hommes ? Alors oui, on a plutôt une tendance à ce que les femmes se dévouent en tout cas à l'accompagnement de leurs parents, oui. Des gens qui soutiennent qui finalement ? Le conjoint surtout ? Et alors le conjoint, le parent, pour un parent malade, ça va être souvent les enfants qui vont essayer de s'organiser pour l'accompagner. Ou alors quand il y a encore un conjoint, le conjoint est lui-même déjà âgé. Donc il faut quand même de toute façon la présence des enfants pour soutenir le conjoint qui lui-même soutient donc son compagnon malade. Vous, Chantal Taristas, c'est votre maman que vous accompagnez. Elle a 88 ans. Quelle est votre situation ? Ma situation, c'est très difficile à s'en occuper de ma mère. Et ma situation, je travaillais à temps complet et je suis passée à temps partiel pour l'accompagner dans la vie de tous les jours et d'être près d'elle pour l'occuper. Vous avez pris un mi-temps. Ça a été une décision difficile à prendre ? Oui, c'est une décision difficile et puis il fallait réfléchir. Ça fait quand même un trou dans mon budget et c'est très difficile. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision ? D'abord, c'est une décision de vous-même, de votre employeur ? De moi-même. D'accord. De moi-même. Et ce qui m'a poussé, c'est que je n'avais pas le choix et je ne pouvais pas prendre une personne pour payer la personne pour occuper de ma mère la journée. Ça me revenait trop cher. Et j'ai préféré arrêter et être auprès d'elle. Alors, parlez-nous aussi de votre situation au moment où vous étiez encore en activité pleine. Comment ça se passait, les derniers temps ? Au moment de l'activité pleine, je prenais ma mère, je l'emmenais chez moi. Le soir, l'après-midi, le soir quand je sortais du boulot. Et le matin, je la ramenais chez elle pour que les dames de la Croix-Rouge s'occupent d'elle et la PA, et moi je l'ai travaillé, Et entre-temps, ben, y avait quelqu'un aussi qui gardait. Alors, quand vous étiez au travail, comment ça se passait pour vous ? Ben, j'étais très inquiète aussi de voir qu'elle était toute seule aussi. Et puis, ben, y avait... il fallait être à l'écoute. Et puis, Vous n'aviez pas franchement la tête au travail, c'est ça que vous nous voilà. dites ? J'avais pas franchement la tête au travail et puis le téléphone à côté dans la main pour voir ce qui se passe parce que c'est pas facile. Émilie Minacci, quel regard vous portez sur la double vie de ces aidants ? Eh ben c'est vrai qu'en plus d'avoir le fardeau de la maladie. Bien souvent, les aidants, en plus d'accompagner ce parent ou ce conjoint malade, il faut pas oublier qu'il peut parfois y avoir aussi des enfants, jeunes adultes ou adolescents. Donc quelque part, ils sont pas deux vies, mais trois ou quatre vies. Donc en plus de cette usure psychologique, ce stress quotidien, il y a aussi l'isolement social, en plus de cet isolement professionnel. Bien souvent, les employeurs, parce que voilà, ils sont pas encore forcément sensibilisés, donc il y a des projets de loi qui sont en cours et tout ça, mais voilà, il manque encore quelque chose pour que les employeurs prennent conscience que quand on est aidant familial, voilà, on est obligé de se diviser en tellement de vies que du coup, même, je crois que les aidants au final s'oublient et n'ont plus de vie. Oui, ça c'est un réel problème de voir que ce qui existe, alors il existe des choses, c'est ce que nous dit Émilie Minacci, Sylvie Agnès, mais pas assez encore. Pas assez, parce que du côté des employeurs, si la problématique n'est pas encore connue au cœur des préoccupations, elle n'est pour autant inconnue. La maladie n'ignore personne, y compris les employeurs qui un jour peuvent être atteints de la maladie. Donc quelque part, nous, notre souhait au niveau de France Alzheimer, c'est de communiquer le plus possible et effectivement, comme le disait Émilie tout à l'heure, que des projets de loi soient faits pour les salariés qui sont aidants. Il y a des choses dans les tuyaux déjà ? Il y a des choses dans les tuyaux, ça va, ça vient, mais bon, après, tout ça dépend des grosses entreprises. Quand vous êtes dans des petites entreprises, ça va, des grosses filières, bon, souvent, les aidants, ce sont les arrêts de maladie, à répétition et tout, donc un jour, il faut se mettre aussi à la place de l'employeur qui, une salariée qui travaille une semaine, qui s'arrête 15 jours, c'est pas possible. Donc, il faut absolument qu'on puisse trouver des solutions. Je donnais ce chiffre tout à l'heure, Daphné Schott, 8 personnes sur 10 qui disent avoir des difficultés à concilier vie professionnelle et activité d'aidant, 79% exactement, c'est quelque chose que vous connaissez, vous rencontrez ces gens-là ? Oui, c'est évident, hein, la conciliation entre la vie professionnelle, comme Émilie le disait, une vie de famille et une vie d'aidant reste très très complexe à coordonner, à comprendre pour les uns, pour les autres. C'est souvent des abandons de poste, des divorces qui peuvent être aussi s'en suivre. Enfin, c'est une vie qui est particulièrement complexe à gérer. Si on n'a pas la solidarité familiale, ou de voisinage qui va bien derrière, c'est ça ? Alors oui, déjà la solidarité familiale, mais parfois on peut aussi dire, je jette un peu un pavé dans la mare, mais que la solidarité familiale a bon dos. Et il y a aussi toute une prise de conscience des pouvoirs publics à orchestrer, qui est en train de se faire malgré tout, puisque on ne peut pas faire autrement aujourd'hui que de voir le problème en face. Et ces aidants, malgré tout, qui sont au quotidien là, proches des personnes malades, c'est tout un coût aussi en moins pour la société, puisqu'ils pallient énormément quand même à des besoins de soins. Donc il y a un compromis à trouver pour la place des dents et une reconnaissance et une valorisation de la place des dents à orchestrer en effet. Clairement, vous nous dites que les autorités devraient faire davantage. Devrait faire davantage. Après, on est toujours en train de demander davantage, bien entendu, mais comme il dit, bébé, il pleure pas, il gagne pas tété. Mais oui, il faut qu'on y aille, là. Il faut qu'on voit le problème, et d'autant qu'en plus, on a des solutions envisagées, donc il faut y aller. Chantal Taristas, vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que nous dit Daphné Schott, la solidarité familiale d'un côté, les pouvoirs publics qui disent on a des moyens limités. Vous aimeriez sans doute qu'on fasse davantage pour vous et que vous soyez davantage soutenu ? Oui, j'aimerais bien plus d'accompagnement pour ces personnes âgées qui se retrouvent tout seules. Et puis les enfants n'ont pas toujours le temps de quitter leur travail pour occuper de ces personnes. Et c'est beaucoup demandé, c'est beaucoup de... Et beaucoup d'accompagnement pour ces personnes-là. De quel accompagnement vous bénéficiez, vous, pour votre maman? Je rappelle, elle a 88 ans, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Vous avez décidé de travailler à mi-temps, ça veut dire qu'une moitié de la journée, il y a quelqu'un d'autre que vous. Voilà, oui, j'ai l'APA. C'est une... L'aide aux personnes âgées, c'est ça? L'aide aux personnes âgées, et puis j'ai... La Croix-Rouge qui passe, qui fait ses besoins avec une infirmière. Et puis, entre-temps, j'ai pris quelqu'un pour m'aider un petit peu, une amie. Et puis, ben voilà, après, je retourne chez moi pour regarder ma maman la journée comme la nuit. Donc, c'est toujours une question de solidarité familiale. Vous pensez que ça peut tenir là-dessus, essentiellement, l'accompagnement des personnes malades? Ben, ça dépend de la solidarité, comme vous dites, parce que... Dans ce que vous voyez autour de vous, dans votre situation personnelle? Pour moi, jusqu'à présent, ça va. Je peux m'en sortir facilement, pas trop de problèmes. D'accord. On reviendra sur les conséquences après un petit peu de cette situation de mi-temps. De votre côté, Émilie Minacci, vous voyez ces familles qui ont besoin de soutien, qui disent l'argent, c'est le nerf de la guerre aussi. Il y a ça aussi, ça joue un rôle dans la décision. Tout à fait, mais comme le disait Madame Tarista tout à l'heure, c'est justement, ça a fait un gros trou dans son budget, passer d'un temps complet à un temps partiel, mais de toute façon, elle n'avait pas d'autre choix. En plus, il y a quand même aussi un isolement familial, parce que j'imagine que vous êtes la seule aidante et l'unique aidante, en tout cas au sein de votre famille pour votre maman. Donc c'est vrai que elle n'a pas eu le choix. Donc financièrement, c'est un coût énorme. Comme le disait Daphné Schott également, c'est un coût aussi pour la société. Et voilà, et Madame Tarista a certainement des enfants qu'il faut aussi accompagner et tout ça. Enfin, vous voyez, c'est difficile. Et d'ailleurs, il existe des dispositifs, mais beaucoup d'employeurs ne sont pas au courant, comme le congé solidaire de solidarité familiale ou autre. Mais ces dispositifs-là ne sont pas encore bien développés, sont très peu connus, très souvent très peu rémunérés, pas ou peu flexibles. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un réveil collectif, notamment au niveau des systèmes de direction, des employeurs, de l'État, que quelque chose soit fait. Parce que malheureusement, en plus, la maladie d'Alzheimer, comme les maladies apparentées, les pathologies chroniques, sont de plus en plus présentes en 2016. On arrive mieux à les diagnostiquer et tout ça. Donc, les aidants vont être de plus en plus nombreux, malheureusement. Donc, je pense qu'il doit quelque chose, il doit y avoir un vrai réveil de la société au vu de ces pathologies et de ces maladies. Alzheimer, la double vie des aidants, c'est dans l'actu, ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat, 02 62 99 2000. 99 2000. Et avant de prendre l'appel de Lucie, qui nous appelle de Saint-Leu, une inforoute. Si vous circulez dans l'ouest, il y a un véhicule en panne au niveau de l'étang Saint-Paul. Véhicule qui se trouve sur la voie de gauche, c'est en direction du sud, donc côté mer. Le bouchon remonte jusqu'à Cambay, donc si vous êtes dans cet embouteillage, eh bien sachez que c'est à cause d'un véhicule en panne au niveau de l'étang Saint-Paul sur la voie de gauche. Patience et prudence. 02 62 99 2000, bienvenue Lucie. Bonjour Philippe, merci. On vous écoute. Voilà, non, mais je voulais intervenir parce que je suis aussi aidant familial. J'ai 52 ans, je suis mère célibataire, j'ai une fille de 16 ans et en dehors de mon travail. Et je m'occupe aussi de ma maman qui a 88 ans et qui a fait un AVC il y a 2 ans. Donc depuis 2 ans, je m'occupe d'elle le matin avant de partir au travail et le soir au retour. Et pour l'instant, si j'entends bien, vous continuez à travailler? Je travaille toujours, je ne peux pas me permettre de faire un mi-temps parce que j'ai des crédits à payer, j'ai une fille de 16 ans, donc voilà. Et comment vous faites alors? Est-ce que vous arrivez à être concentré sur votre boulot? Oui, j'ai intérêt à être concentrée sur mon boulot. je sais parce que ma maman a droit à 2 APA par jour. L'après-midi, j'étais obligée de mettre une personne, une assistante de vie pour garder maman quand moi je suis au boulot et ma fille à l'école. D'accord. Donc voilà, donc qu'on paye de nos poches. Et puis ben voilà, donc on peut, il faut tout organiser. Le problème c'est que pour voir les dents, il faut, on n'a rien, on peut rien faire, on peut pas décider aujourd'hui. Voilà, je décide de partir faire un petit tour. Il faut tout organiser. On n'a pas droit à l'improvisation. C'est toujours voilà, calculé. On doit sortir faire des courses, il faut rentrer vite. J'ai pas beaucoup de temps à passer avec ma fille parce que on peut pas faire des petites sorties. Très rarement on fait des sorties magasin, cinéma, ou si moi je vais au cinéma, c'est elle qui garde mémé. Si c'est toujours le contraire, quand je passe beaucoup de temps, enfin on passe pas beaucoup de temps, ma fille et moi, à faire des choses qu'on pourrait faire à deux. Parce qu'il faut toujours penser, ben il faut avoir toujours quelqu'un à la maison. Et il n'y a pas trop de fatigue derrière tout ça? Beaucoup. Je sais pas comment je tiens. Je dis que Dieu me prête la santé parce que j'ai déjà 52 ans. On a commencé à avoir de l'arthrose, on commence à avoir voilà. On a pris 20 ans et donc mais je le fais vraiment sans rechigner, sans problème. Hein. Mais c'est vrai que c'est lourd à porter. C'est très lourd à porter et on n'a pas de vie sociale en fait. Merci pour votre témoignage en tout cas ce midi, Lucie, une fidèle de Réunion Première. Je voudrais faire réagir Daphné Schott. Elle nous dit deux choses, Lucie, il faut tout planifier et puis il y a derrière ça la santé des aidants. Alors tout à fait, Lucie, déjà en tout cas un grand chapeau pour votre courage. Hein. Je suis toujours admirative de ces personnes qui se dévouent comme ça à l'autre. Et en effet, ben, dans le dévouement, il y a sa propre santé déjà qui prend un coup puisqu'on la néglige complètement. Donc on essaye de contenter tout le monde, son enfant, ben, son époux quand il est encore présent, le parent dont il faut s'occuper. On néglige complètement sa propre santé. Donc déjà, il y a un danger hein, au niveau de la santé de l'aidant, un épuisement, un isolement. Et puis ce que je vois aussi, c'est que ben, les dispositions qui sont déjà existants sont assez mal connus en fait des personnes elles-mêmes. Donc on a un vrai manque de visibilité des associations existantes, des dispositifs d'aide. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille aussi sur la communication de tout ce qui existe déjà, ce qui est aussi à faire, mais aussi ce qui existe déjà pour bah, rendre plus léger, j'ai envie de dire, l'accompagnement au quotidien. Donc Et en effet, ben, moi je la renverrai aussi vers les assistantes sociales du CCS, du Conseil Général, qui peuvent un peu réorienter cette dame pour qu'on puisse trouver des solutions, qu'elle puisse au moins un peu respirer. Mais en effet, c'est un vrai métier de coordination en fait, la place des dents aujourd'hui. Il faut tout coordonner, il faut être chef d'orchestre de tout et c'est très compliqué. Et on leur demande souvent à ces aidants comment va la personne dont ils s'occupent. Il faut aussi s'inquiéter de leur santé à eux, elle peut se dégrader? Tout à fait, on sait aujourd'hui que l'espérance de vie d'un aidant, à partir du moment où on vous annonce que vous devenez aidant de quelqu'un, va chuter considérablement. Donc c'est une espérance de vie qui va être beaucoup plus courte parce que de l'épuisement, parce qu'on néglige sa santé. Des cas par exemple, je veux affoler personne, mais des cas par exemple de cancer qui vont passer complètement à l'as parce qu'on va se négliger, on n'écoute même plus son corps, on n'a même plus le temps d'aller chez un dentiste se faire arracher une dent et tout ça va avoir des conséquences. C'est des maladies, la maladie d'Alzheimer, on vit avec... en moyenne une dizaine d'années. C'est un chiffre qui va aller probablement en s'augmentant. Donc il faut vraiment considérer cette dimension-là. Oui. Est-ce que vous êtes inquiète pour votre propre santé, Chantal Taristas? Je rappelle que vous êtes aidante auprès de votre maman. Oui, très inquiète pour ma santé, parce que je sais aussi que je souffre d'être... Ben, à côté de ma mère, en la voyant comme ça, et puis moi aussi je souffre de plein de choses, parce que je suis fatiguée, et j'ai pas le temps de m'occuper de moi, et même comme disait la dame, aller chez le dentiste ou aller chez le médecin, il faut vraiment qu'il y a quelqu'un pour la garder, et on peut pas la laisser toute seule. Et vous êtes conscient de ce que vous risquez à travers ça? Oui, je suis très consciente, oui. Et auprès de qui vous demandez de l'aide finalement? Ben, parfois, j'ai mon mari qui me remplace un petit peu, pas longtemps, une heure de temps comme ça, il me remplace, et puis ma fille. Et puis voilà, et sinon, j'ai pas le choix. Sylviania, ce genre de situation comme celle que nous décrit Madame Taristas, ce sont des cas fréquents que vous connaissez au sein de l'association France Alzheimer Réunion. Oui, tout à fait. Ce sont des cas fréquents, des personnes qui nous contactent régulièrement pour avoir de l'aide, ce que l'association peut leur proposer. Malheureusement, comme je l'ai répété plusieurs fois, les gens viennent, prennent contact avec l'association quand ils sont complètement épuisés. Alors, ce que je dirais, n'hésitez pas tout de suite à prendre contact avec l'association pour que l'on puisse vous aider, vous accompagner aussi bien dans vos démarches administratives que dans vos démarches au quotidien. Parce que, comme le disait Daphné, malheureusement, un aidant meurt avant un malade. Ah oui, ça, ça arrive. Ça arrive bah, d'épuisement, de fatigue, de dépression, parce que avoir un malade au quotidien, H24, c'est très, très compliqué. Moi, j'ai vécu cette situation pendant 3 ans. Et voilà, on devient parent de son parent. Alors, un enfant, on arrive encore à le gérer. Un parent, on a beaucoup de mal à le gérer. Oui, c'est ça. Les rôles sont inversés, c'est ce qu'on dit. Ah bah, les rôles sont complètement inversés. L'enfant devient le parent, en quelque sorte. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, nous, on n'a pas envie de devenir parent de son parent. Hein. C'est quelque chose que vous vivez, ça, Madame Taristas? Oui, je vis ça, oui. Spécialement, oui. Et c'est difficile d'accepter cette inversion des rôles? Oui, c'est très dur, parce que on se rend compte que c'est comme si c'est moi, je suis maître de ma maman, je la parle comme si c'était mon enfant, et c'est très dur pour moi. Parfois même, quand elle fait des choses, et j'essaye de pas être, pas dire méchante, mais il faut gronder, me contrôler. Il faut pas gronder, c'est non, ça. Non, voilà, faut pas la gronder, ouais. Faut que je me contrôle. Parce que j'ai dit, c'est ma mère, il faut que je fasse ça pour elle. C'est pas mon enfant que je peux crier dessus ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, j'ai plus d'enfants pour crier, ils sont grands. Maintenant, je m'occupe de ma mère. Elle est à un stade avancé de la maladie, votre maman? Oui, un stade avancé, oui. C'est-à-dire que, bon, elle vous reconnaît encore? Non. Non, plus? Non. D'accord. De temps en temps, elle me reconnaît. Il y a du dialogue quand même ? Non plus. Non plus ? Ça fait un an qu'elle ne parle plus couramment. Elle parle, mais 2-3 petits mots comme ça. Mais sinon, couramment, non. Elle ne parle plus. Vous, en tant que marraine de l'association Émilie Minacci, qu'est-ce que vous pouvez faire pour apporter un peu de réconfort à tous ces gens-là, tous ces aidants ? Bah déjà, quand j'entends le témoignage de Madame Tarista, ça fait 3 ans maintenant que je suis marraine de l'association. Je suis toujours aussi émue et admirative de leur combat au quotidien, et je me dis waouh, c'est comme disait Daphné, chapeau bas, parce que en plus elle, vous la voyez en face de vous, elle est combative, et c'est admirable. Alors moi, c'est vrai qu'à mon niveau, c'est vrai que j'essaie d'être présent à chaque action que fait l'association France Alzheimer Réunion. On en a plusieurs, et d'ailleurs cette semaine on va avoir plein d'actions. Philippe, si vous me permettez, je tiens à rappeler ce soir déjà, 2 tables rondes, une dans le nord à 18h à l'espace Redley en bas de la rivière, où seront présents aussi bien des médecins que des neuropsychologues et bien sûr des représentants de l'association. Donc c'est à Saint-Denis et à Saint-Pierre, à la mairie de Saint-Pierre à 18h également. Daphné Schott sera des nôtres, j'y serai avec Sylvie Agnès. Après, vendredi et samedi, 2 journées de quête un petit peu tout autour de l'île, sur les endroits un petit peu clés, les grandes surfaces et les rues piétonnes. Et puis bien sûr, une journée très importante pour nous, nous organisons une course randonnée au départ de Bois-Madame à 7h30 dimanche à Sainte-Marie, et un gros village Alzheimer sera prévu au cœur vert, familial à Saint-Denis. Trinité, voilà, et les gens, que ce soit ce soir aux tables rondes, si vous avez ne serait-ce que des questions, si vous vous intéressez de près ou de loin à la maladie, si vous êtes touché ou non, ou si vous avez des doutes, venez prendre des renseignements, venez rencontrer ces professionnels et bien sûr les bénévoles de l'association qui pourront peut-être vous aiguiller ou simplement vous renseigner, parce qu'il ne faut pas oublier que ça peut être demain notre père, notre mère, notre conjoint ou même nous. Donc ne pas oublier. Donc toute une semaine de mobilisation, et dimanche on vous attend tous pour courir. Alors c'est sûr, c'est juste quelques petits euros pour participer, mais venez, on a besoin de tout le monde de la Réunion, parce que tout le monde doit se sentir concerné. Voilà le message de la chanteuse Émilie Minacci pour cette journée qui est passée. On a Marie de la Plaine des Cafres au 06 92 70 2000 qui par texto donc nous dit « Je suis auxiliaire de vie auprès de personnes avec la maladie d'Alzheimer où le temps d'accompagnement reste encore insuffisant alors que la personne, les aidants ont besoin d'être davantage aidés. » Ça aussi, c'est une réalité pour vous, Chantal Taristas ? Oui, c'est une réalité. Oui. Combien de temps elle est là, la personne, et combien de temps, dans l'idéal, il faudrait qu'elle soit là ? Moi, j'ai la personne le matin, 1h, temps et demi. Et après, il y a le passage de la Croix-Rouge, un quart d'heure, même pas 1h de temps. Et puis, il faudrait plus d'heures pour être plus accompagner les malades. Et au fur et à mesure que la situation de votre maman s'aggrave, vous n'avez pas des heures supplémentaires, vous bénéficiez pas d'une aide plus soutenue ? Enfin, oui, voilà. Non, je sais pas. Non, il y a un minimum d'heures qui est donné. Il y a un minimum d'heures qui est donné au niveau du Conseil général. Alors après, bien évidemment, c'est une question de budget parce que évidemment, on peut prendre des personnes déclarées, effectivement, des personnes en chèque emploi service ou quoi que ce soit, mais c'est encore un coût pour l'aidant familial qui reste difficile à gérer. Donc, après, pour les aidants, il y a les répits-repos qui peuvent aider aussi les aidants, mais bon, c'est pas non plus au quotidien. Moi, pour ma part, je sais que on en veut toujours en plus, en plus, en plus. Et puis, bon, on essaye de faire le maximum. Mais bon, après, il faut aussi que la personne malade accepte un intervenant extérieur. Et ça, c'est pas toujours évident parce que, elle est habituée avec sa fille ou, enfin, voilà, son proche. Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à faire venir des intervenants extérieurs. Philippe est en ligne avec nous au 02 62 99 2000. Vous êtes infirmier, Philippe, bonjour. Moi, je suis infirmier libéral depuis un certain nombre d'années. Et on voit l'évolution et le fait d'épuisement familial qui apparaît de plus en plus. Moi, je suis admiratif, parce que même en tant que professionnel, je me dis, je ne sais pas si je serais capable de le faire au quotidien, parce que c'est 24 heures sur 24. Nous, on intervient à domicile, mais c'est un petit temps dans la journée, c'est pas grand chose. C'est une aide, mais c'est pas toujours satisfaisant. Et comme je dis, journée fait 24 heures, il faut gérer la nuit aussi. Et c'est des personnes souvent malades, et des fois la nuit, ils dorment pas. Donc, et les traitements, même si on essaye, on a des nouveaux médicaments qui ont pas mal amélioré quand même, ou stabilisé, en tout cas apporté un certain confort aux patients. Ça l'est pas forcément, et c'est compliqué. Ce que je regrette, c'est qu'il existait, je sais pas si ça existe encore, il y avait des services de jour à l'hôpital qui permettaient de dans la semaine, pour des patients, de passer la journée où il y avait des activités proposées, etc., pour un peu stimuler, et ça permettait de soulager. Et je pense que ça faut réfléchir sur des nouveaux métiers. Il y a vraiment des nouveaux métiers d'assistance et d'aide à la personne qu'on pourrait développer. On parle de chômage, mais il y a franchement, alors après, il y a un financement à trouver, et il y a franchement des métiers à créer, parce que on parle d'Alzheimer, mais c'est toutes les démences qu'on appelait démences séniles à l'époque. Et la population vieillit, on vit de plus en plus longtemps, et ça va se poser le problème de ce genre de pathologie. Du plus on commence même à avoir des Alzheimer de gens qui sont jeunes. Il y a des cas de 37, 40 ans, 50 ans. Donc voilà. Merci. C'est un vrai problème. Voilà. Merci pour ce témoignage, Philippe. Et je sais que Daphné Schott a des choses à dire là-dessus. Elle est en duplex de Saint-Pierre et neuropsychologue. Daphné Schott, il y a des dispositifs qui aident en métropole et qui pourraient arriver bientôt ici. Ah oui, il y en a déjà qui existent ici, ce type d'accueil justement, d'accueil de jour là, qui existe et qui est plutôt attaché aux EHPAD aujourd'hui, qui permet de pouvoir laisser la personne une journée ou plusieurs journées par semaine et du coup apporter un peu de répit à l'aidant ou lui permettre de travailler simplement. Mais de plus en plus, oui en effet, on est en train de s'orienter vers de nouveaux modes en fait fait d'accueil. Le conseil général justement localement est en train de porter, enfin en tout cas c'est quelque chose qui est en train de se structurer, un projet justement de petite maison d'accueil qui permettrait voilà de laisser la personne une journée, quelques heures, voilà, et d'être une quinzaine de jours en hébergement aussi également. Donc c'est des choses qui sont en train d'arriver. On est quand même, il y a quand même des perspectives, hein, c'est quand même en train de bouger. Et puis l'association elle-même, hein, on est en train d'essayer de créer ce qu'on appelle des haltes relais qui permettent, ben pareil, c'est des espaces où il y a des professionnels, des bénévoles qui sont là et où on peut ben, laisser son proche une heure, deux heures, le temps d'aller au dentiste, le temps d'aller au coiffeur, parce que bon, il n'y a pas que la santé, il y a aussi le bien-être physique. Donc simplement aller chez le coiffeur. Une beauté, j'ai envie de dire. Voilà, ces dispositifs-là vont arriver très bientôt et ce sera des perspectives en effet à développer. Chantal Taristas, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut améliorer votre quotidien ? Tout à fait. Satisfait, peut-être bien que s'il y aurait ça, ça aurait été bien pour tout le monde. Vous êtes renseigné sur ce genre de dispositif déjà ici ? Je sais qu'au CHD, il y avait. Ils prenaient sur deux jours, mais après le temps qu'on fait la demande, ça prend du temps. C'est plus le côté administratif qui vous rebute ? Non, pas du tout. C'est long, c'est ce oui, que vous c'est dites. Long pour, oui. Quand on dépose un dossier, c'est long pour... Ça vous décourage un peu, quoi. Oui, voilà, mais parce que j'ai fait déjà aussi à Océane, dans... comment s'appelle cet hôpital hein en ville, la rue de Paris. L'hôpital de la rue de Paris, c'est la clinique Saint-Vincent. Voilà, j'ai déposé un dossier aussi pour déposer ma mère 15 jours, mais jusqu'à présent, j'ai pas reçu de réponse. Et peut-être que c'est plein et c'est compliqué. Alors, Daphné Schott. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est aujourd'hui assez lourd, en fait, c'est toute cette lourdeur justement administrative où il faut énormément anticiper, en fait. Hein, donc, on peut pas se casser la jambe aujourd'hui et déposer du coup son malade dans l'heure. Hein. C'est quelque chose qu'il faut anticiper. Certains services de gériatrie, ben, parfois pallient justement et peuvent ben, prendre un malade comme ça en urgence pour que son aidant se fasse soigner. Et vraiment, les dispositifs qui sont en train d'émerger vont être des dispositifs où on n'aura plus besoin de toute cette lourdeur administrative, d'anticiper, d'inscrire des mois et des mois en avance, d'avoir des listes d'attente, et où simplement, voilà, on passe par là, on dépose la personne en confiance, bon, avec un minimum quand même de liens, hein, malgré tout, mais on n'aura pas, voilà, l'idée c'est de réduire en fait cette liste d'attente et d'être beaucoup plus proche de l'imprévu, puisque c'est une maladie qui est habitée par l'imprévu en permanence, donc on ne peut rien prévoir, et il faut être assez réactif. Et aujourd'hui, les dispositifs en place ne sont pas assez réactifs. Eh bien, c'est dit. Merci à toutes les quatre d'être venues au micro de Réunion Première ce midi. Je salue l'exploit de Daphné Schott qui a fait à la fois de la radio et de la télé aujourd'hui sur Réunion Merci. Première. Pour ceux qui se sont mis devant leur téléviseur, ils n'ont pas rêvé. Ils l'ont vue à la télé et puis elle était aussi à la radio. C'est très très fort et ce n'était pas enregistré à la télé. Hein. C'était vraiment du direct. Merci Sylvia Agnès, Merci, vice-présidente Philippe. De l'association France Alzheimer Réunion. Daphné Schott, donc neuropsychologue. Chantal Taristas, aidante familiale. Et Émilie Minacci, la marraine de l'association. C'est Merci. Dans l'actu demain, Merci. La lutte Merci. Contre le gaspillage alimentaire à l'occasion de la fête de la gastronomie. On verra quelles sont les solutions pour éviter de jeter de la nourriture encore bonne à consommer. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère, très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de l'ADEME. Dimanche 25 septembre, c'est la rando-vélo intercommunale du TCO. Rendez-vous dès 7h30, place de l'église de Trois-Bassins. Trois circuits vélo proposés, petit déjeuner, ravitaillement et assistance offerte dans la convivialité jusqu'au camping Hermitage Lagon. Des animations, des artistes, des possibilités de repas sur réservation. Des navettes bus prévues à réserver avant le mercredi 21 septembre. Plus d'infos, www.tco.re ou au 0800 605 605. TCO, cap sur le durable. Du 16 au 25 septembre prochain, si la hausse de

aux Antilles il y a donc quelques années et continue à augmenter. Bien sûr, il y a 5 ans, existait déjà Internet, heureusement, donc c'était facile de nous trouver par Internet. Mais après, il faut solidifier ce marché. Nous avons décidé d'aller les voir sur place, soit sur des salons, soit directement l'agence dans leur ville, comme Cracovie, comme Varsovie, comme Budapest, pour leur expliquer ce que nous proposons aux Antilles. Avec un pouvoir d'achat un peu moins élevé qu'en Europe de l'Ouest, mais un goût pour des voyages en groupe, les vacanciers d'Europe de l'Est représentent aujourd'hui 10% des clients du groupe martiniquais, même si cela nécessite quelques adaptations. Il faut s'adapter aux langues, ça c'est pas toujours facile, et s'adapter aussi aux mentalités des gens. Les clients, et parfois, vu qu'on parle pas leur langue, plus irrités, et nous peut-être aussi, il faut les rassurer. Aussi, déjà à l'avance, un peu cibler, parce que parfois ils ont des projets un peu farfelus, je dirais, avec des flottilles qui sont trop grands ou la durée est trop courte pour faire quelque chose qui a un sens pour que aussi les clients soient contents à la fin. Le nombre d'Européens de l'Est qui partent en vacances chaque année à l'étranger a quasi doublé en 12 ans. Retour dans l'information dans 2 minutes avec la rédaction de France Info. D'ici là, voici Julian Peretta et Lost Frequencies, Miracle. When the leaves turned brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself. But you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out. Living forever in a ghost town. You save me, I save you. A miracle that was meant for two. I save you, you save me. A miracle at every beat of my heart. Il est 13h sur Réunion Première, voici le journal de France Info. Info avec Aurélien Tirard. Bonjour Aurélien. Bonjour Marie, bonjour à tous. 1 km de long pour 4 mètres de haut, la construction commence pour le futur mur végétalisé très polémique de Calais, censé protéger la rocade des assauts des migrants. Qui pourra concourir à la primaire de droite? Le Parti Républicain va dévoiler la liste officielle des candidats d'ici la mi-journée. Les déclarations de bonnes intentions des chefs d'État à New York lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies pour tenter de réinstaurer la trêve en Syrie. Aux États-Unis, le nouveau meurtre d'un noir par un policier provoque une nuit d'émeute en Caroline du Nord. France Info. Le projet de mur végétalisé de Calais attire les politiques. Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire de la droite, se rend aujourd'hui à Calais pour visiter les travaux de la construction de ce mur qui a pour but de sécuriser la rocade et empêcher les intrusions des migrants qui tentent d'atteindre la Grande-Bretagne. Un mur complètement inutile pour certaines associations d'aide aux migrants à Calais. Il est en fait surtout là pour rassurer les acteurs économiques du secteur, Laurent Sénéchal. Ce mur, c'est plutôt une prolongation des 30 km de grillage érigés l'an dernier autour du port de Calais. 1000 mètres de long, 4 mètres de haut pour protéger la rocade. Il coûte 2 700 000 euros, entièrement financé par les Britanniques. Le président de la Société d'exploitation des ports du Détroit, Jean-Marc Puisseau, l'attendait avec impatience. Ce mur qui n'a rien à voir avec le mur de Berlin, il est absolument nécessaire pour tranquilliser nos clients. Il va faire beaucoup de bien au trafic et à la tranquillité, mais en plus, c'est un mur végétalisé, et quand on connaît l'arrivée du port du Calais avec des grillages, je peux vous dire, c'est mille fois mieux. Le trafic de camions dans le tunnel sous la Manche a encore augmenté de 10% en juillet, contre seulement 1% pour le port de Calais, selon Jean-Marc Puisseau. Ce mur, il est donc nécessaire, mais pas suffisant pour d'autres acteurs économiques du Calaisis. Pierre Nouchy, par exemple, président du syndicat des restaurateurs et hôteliers